La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, édition du dimanche 21 mai 2017. La Croche-Oreille, cette émission entièrement dédiée aux sonorités nouvelles et tout à fait imprévisibles. Alors, ce soir, je vous propose un voyage dans le temps, un retour sur l'art sonore des années 80 et 90 avec deux albums assez uniques, publié sur l'étiquette Empreinte Digitale et deux albums qui ont pour titre Électroclip et Miniature Concrète. On retrouve sur l'album intitulé Électroclip, publié en 1990, une vingtaine d'artistes sonores du Québec, du Canada, des États-Unis, du Mexique. Des artistes qu'on appelait à l'époque compositeurs de musique électroacoustique. On le voit, la terminologie a changé, mais qu'on nomme aujourd'hui artistes sonores ou artistes audio. Alors, Électroclip, c'est une compilation d'art sonore réalisé par Jean-François Denis et Claude Schreier, un projet de disque qui a fait suite à la tenue en novembre 90 du Festival Montréal Musique Actuelle. Un festival qui marque en quelque sorte d'une pierre blanche, pour dire ça comme ça, l'histoire de la diffusion des nouvelles musiques et des nouvelles sonorités au Québec. Électroclip, c'est une synthèse de la création électroacoustique de la fin des années 80. Et comme le soulignait les réalisateurs de l'album, chaque pièce épouse la forme de la chanson populaire, soit une durée de 3 minutes, et le concept du vidéoclip de manière à réactualiser l'électroacoustique en la sortant de la salle de concert traditionnelle. Donc, chaque création est un condensé du style de chacun des artistes qui sont parmi les plus dynamiques d'Amérique du Nord. Alors ça, c'était les propos qu'on retrouve en accompagnement de l'album. On va donc écouter ensemble des créations de Gilles Corbeil, Roxane Turcotte, Francis Daumont, Stéphane Roy et John Oliver. Votre comportement et vous voyez le mien. Mais je ne vois pas, je n'ai jamais vu et ne verrai jamais votre expérience de moi. Pas plus que vous ne pouvez voir mon expérience de vous. Je ne peux pas faire l'expérience de votre expérience, ni le contraire. Nous sommes l'un et l'autre des hommes invisibles. Tous les hommes sont invisibles les uns aux autres. Thank you. Alors, on est de retour pour la suite de cette compilation d'Ars Sonore. On va maintenant écouter un deuxième segment d'extrait de cet album intitulé Electroclip, avec les créations de Robert Normando, Christian Calon, Dan Lander et John Oswald, des créations publiées en 90 et, comme je le mentionnais, qu'on retrouve sur étiquette Empreinte Digitale. Thank you. mensuelle au cours d'année prochaine avec un minimum de 15 à 17. Demain jeudi, le temps sera généralement ensoleillé, maximum près de 28. Le Radio-Journal en manchette. À Oka, les Mohawks dévoilent leurs conditions à la poursuite des négociations. Je vous remercie beaucoup. Brièvement, il nous reste 30 secondes. We're broadcasting live from deep within our own individual bodies. Scraped up and has a lot of black on it. I was just hit by a London taxicab while crossing the street. What you want to do to perform at Furniture Music is you get somebody who's sleeping in your doorway and bring them in and put them next to the piano and just let them go at it. Thank you. toute façon, personne n'est pressé de couper le son. C-K-R-L Quand, comment, pourquoi point QC. Il y avait là-dedans l'orgueil de celui qui a fait son chemin. Point CA. La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, on poursuit cette brève incursion dans le monde de l'art sonore des années 80-90. On va maintenant écouter des pièces qui sont tirées de l'album Miniatures concrètes. C'est un album publié en 98 qui regroupe une vingtaine d'artistes du Québec et de l'étranger. Miniatures concrètes, c'est une compilation d'art sonore. On disait à l'époque une compilation de musique électroacoustique. Mais voilà, une compilation d'art sonore qui soulignait le 50e anniversaire de la musique concrète lancée par Pierre Schaffer autour de 1948. Alors l'album Miniatures concrètes est une synthèse de la création électroacoustique des années 90. Ça a été élaboré selon la durée du clip vidéo, soit d'environ 3 minutes. On faisait à ce moment-là le pont avec l'album Electroclip publié 8 ans plus tôt et qu'on présentait en première partie d'émission. Comme le souligne Jean-François Denis, le réalisateur du projet, et là j'ouvre les guillemets, après la parution du premier compact Electroclip, voici un jeu de nouvelles pièces de courte durée par autant de nouveaux compositeurs d'un peu partout à travers le monde occidental. C'était notre façon de célébrer le développement de la musique électroacoustique. Alors, on va maintenant écouter ensemble des créations de Daniel Toussaint, Jocelyn Robert, Stéphane Dunkelman, Monique Jean et Jacques Tremblay. Thank you. Alors, on va maintenant écouter un deuxième et dernier segment d'extrait de l'album Miniatures concrètes, avec des créations de Sylvia Ackerman, Roger Doyle, Elisabeth Hoffman et Catherine Norman. Ce sont, comme je le rappelais, des créations publiées en 98 sur étiquette Empreinte Digitale. Thank you. Voilà ce qui complète l'accroche-oreille pour ce soir. Je vous invite à consulter le site web de l'accroche-oreille, donc l'accroche-oreille.wordpress.com. Vous allez retrouver la liste des pièces qu'on a présentées ce soir, ainsi que le lien pour l'écoute en balado-diffusion. Alors, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, CKRL 89,1. Et d'ici là, ben soyez attentifs au son autour de vous. L'accroche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.